Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la bataille des gens de l'air du milieu des années 70. Les anglophones prétendent qu'ils doivent comprendre tout ce qui se passe autour d'eux. Ils empêchent les francophones de même communiquer au niveau de la partie de hockey d'hier entre eux en français parce qu'ils pourraient échapper une donnée, ça pourrait être une donnée de contrôle. Alors, si on utilisait la langue française entre nous, ils nous rappelaient à l'ordre « speak white ». L'ancien contrôleur aérien Jean-Luc Patnaud à l'émission « Tout le monde en parlait » en mai 2006. Jean-Luc Patnaud résume en quelques mots la teneur du conflit qui va opposer pilotes et contrôleurs aériens francophones et anglophones au milieu des années 1970. Ce qu'on va appeler la bataille des gens de l'air symbolise parfaitement les tensions linguistiques et les tiraillements politiques qui déchirent le pays au milieu des années 70. Il faut se souvenir qu'à cette époque-là, le gouvernement fédéral de Pierre Trudeau mise sur le bilinguisme officiel dans la fonction publique fédérale pour faire contrepoids en partie en tout cas, à la montée du nationalisme québécois. Au fond, c'est toute l'idée de French Power qui est remise en cause dans cette affaire de la bataille des gens de l'air. I went to the market, mon petit panier sous mon bras. I went to the market, mon petit panier sous mon bras. The first girl I met, c'est la fille d'un avocat. I love you, vous ne m'entendez guère. I love you, vous ne m'entendez pas. I love you, vous ne m'entendez guère. I love you, vous ne m'entendez pas. I went to the market, c'est une chanson de folklore d'abord, qui n'a pas été composée par moi au départ, et sur laquelle j'ai eu le dangereux honneur d'ajouter des couplets et d'élaborer. J'ai paraphrasé « I went to the market » à l'original, à l'occasion de la querelle des gens de l'air, qui demandait qu'il y ait du français dans l'air au Québec, qu'on ait le droit de s'enlever et d'atterrir en français. C'était directement lié à la colère des gens de l'air qui luttaient pour le droit aux Français dans leur travail. Comment vous ne me reconnaissez pas? Oh ben sacrum! Oh puis vous ne comprenez pas ce que je dis en plus. Oh, bête! I go and get my gun, j'en dis un, puis je l'aborde. I love you, vous ne m'entendez guère. I love you, vous ne m'entendez pas. I love you, vous ne m'entendez guère. I love you, vous ne m'entendez pas. Extrait de l'émission « Pendant que » Gilles Vigneault, diffusé en octobre 2004, pour nous raconter les tenants et les aboutissants de cette bataille des gens de l'air à l'origine de la reprise par Gilles Vigneault. Vous venez de l'entendre de cette chanson, « I went to the market ». Je reçois mon collègue, le journaliste Marc Laurendeau. Marc Laurendeau, bonjour. Bonjour, Jacques. Pourquoi cette bataille-là, la bataille des gens de l'air, est aussi importante, Marc Laurendeau? Qu'est-ce qui fait que cette crise-là a autant marqué les esprits? C'est la valeur symbolique. Pour les Québécois francophones, se faire refuser en 76 l'usage du français dans la circulation aérienne, écoutez, c'est une cause aussi mobilisante que lorsque le grand joueur de hockey, vous vous souvenez, Maurice Richard, en 55, avait été l'objet d'une sanction excessive, c'est-à-dire une suspension pour toutes les séries finales par le patron anglophone de la Ligue, Clarence Campbell. Alors, ça avait entraîné à cette époque une lourde émeute. En 76, en pleine effervescence nationaliste au Québec, on sentait que le français était une langue peu respectée. Ouais. Insuffisamment protégé par les lois. Bien sûr, la réponse fédérale au nationalisme québécois, comme vous le disiez, ça avait été la création de French Power à Ottawa, une participation au gouvernement central du pays. Mais là, avec ça, là, avec cette crise, le concept de French Power se trouvait remis en cause, sinon ouais. démasqué. Donc, une crise qui oppose francophones et anglophones et qui touche l'ensemble de la population, ce qui fait qu'elle aura un impact et une valeur symbolique importante. Ce qui est intéressant aussi dans cette crise-là, Marc Laurendeau, c'est que c'est beaucoup à Ottawa que ça se passe. C'est une loi fédérale, en principe favorable aux faits français, la loi sur les langues officielles, qui est à l'origine de la crise, ce qui fait que bon nombre des acteurs de cette crise-là vont être des politiciens fédéraux. Il y avait, au-delà de l'affrontement ou de la lutte de pouvoir qui se faisait dans deux syndicats, le syndicat des pilotes et le syndicat des techniciens et contrôleurs, il y avait évidemment le principe plus fondamental des rapports entre les anglophones et les francophones fondés sur le principe d'égalité qui était mis de l'avant dans la loi sur les langues officielles. Et c'est une des raisons pour lesquelles, sinon la raison, pour laquelle le premier ministre du Canada a déclaré sur les ondes de Radio-Canada à l'époque que c'était le conflit le plus important depuis la conscription. En fait, on testait pour la première fois la loi sur les langues officielles qui avait été adoptée par le Parlement en 68, loi qui établissait le principe d'égalité des deux langues, du français et de l'anglais, dans l'administration fédérale. And we can't force Quebecers to learn English if they don't want to. Nous ne pouvons pas forcer les Québécois à apprendre l'anglais et à le parler dans leur province s'ils n'en ont pas envie. C'est le fondement même de la question de la séparation du Québec. Si nous ne pouvons pas fonctionner dans notre propre langue dans cette province, mais que diable faisons-nous dans ce pays? Le premier ministre Pierre-Elliott Trudeau, en conférence de presse en 1975 et juste avant, vous entendiez l'ancien ministre libéral Serge Royal rappeler l'enjeu en cause dans cette bataille des gens de l'air à l'émission Le Point en 1994. Marc Lerando, que représente cette crise autour de la bataille des gens de l'air pour les représentants de ce qu'on appelle à l'époque le French Power? Ouais, on trouve chez Trudeau, on l'a entendu, un mélange de désarroi et de colère, hein? C'est-à-dire qu'il voit rapidement la crise comme une menace à l'unité du Canada. À ses yeux, l'affaire est aussi grave que la crise de la conscription de 42, dont il avait d'ailleurs été un protagoniste. Pour les jeunes Turcs de son parti, comme Serge Royal, Pierre Debanet, c'est toute la construction mise en place par les lois des langues officielles qui vole en éclats. Et ça, c'est important. C'est une vision politique. C'est un projet, le projet politique du French Power, qui est mis à mal, on pourrait dire, qui s'effondre dans cette crise-là. Ce qui fait, j'y reviens, qu'ils ne seront pas qu'à Ottawa les acteurs principaux de la crise, mais beaucoup sont là. Qui sont ces acteurs-là? Un vaste échantillon de personnalités fortes. D'un côté, on trouve le ministre des Transports, Otto Lang, en qui Pierre Trudeau a confiance pour sa capacité à maîtriser les dossiers techniques. Il a d'ailleurs été, comme Trudeau, professeur de droit, mais en Saskatchewan. Les témoins de l'époque décrivent Otto Lang comme un homme aux décisions rapides, sûr de lui, parfois doctrinaire, peu empathique. Il est si confiant en sa propre compétence, disent ceux qui l'ont côtoyé, qu'il n'agit pas en consultation avec les autres membres du cabinet. Ça lui sera reproché. Parmi les irréductibles de l'anglais se dresse l'Association canadienne des contrôleurs de trafic aérien, la CATCA, présidée par Jim Livingston, et l'Association canadienne des pilotes de ligne, la CALPA, présidée par Ken Mailey. Du côté des défenseurs, maintenant, du français, on trouve Jean Marchand, ami de Trudeau, oui. Ex-ministre des Transports. Il est au cabinet comme ministre sans portefeuille maintenant. Au plus fort de la crise, il va démissionner en guise de protestation. L'Association des gens de l'air, par ailleurs, oui. Très important, fondée à Sainte-Foy, Québec, en septembre 1975. Les pilotes et contrôleurs des gens de l'air vont faire appel au député libéral fédéral Pierre Debanet, qui s'était fait connaître, vous savez, comme rebelle, avait empêché des villages gaspésiens de disparaître grâce à son opération Dignité. Debanet fera de nombreuses interventions en chambre, recommandera comme avocat son ancien confrère de droit à Laval, Clément Richard, qui était dans la même classe. Debanet fera aussi entrer dans le combat un jeune député fédéral, Serge Royal. Au bureau de Clément Richard, maintenant, on trouve une avocate tout juste sortie de l'université, Louise Otis, futur juge à la cour d'appel, et Guy Bertrand, flamboyant plaideur. Et enfin, un juge de grande envergure, Jules Deschênes, qui va se prononcer sur l'unilinguisme obligatoire dans les manuels et les conversations, figurez-vous, au sein du personnel à bord des avions d'Air Canada. Et puis la crise va s'embraser, faire réagir les partis, les syndicats, les forces vives de la société. Ça va vraiment... C'est une marmite, là, qui va presque exploser. Ouais. Et qu'est-ce qui est à l'origine de fait... Si on revient au contexte dans lequel éclate cette bataille des gens de l'air, qu'est-ce qui... Parlez-nous un petit peu de ce contexte-là. Ça commence bien. C'est-à-dire qu'en 1974, Jean Marchand, alors ministre des Transports, tout à fait dans l'esprit de la loi des langues officielles, adoptée 5 ans avant, autorise le bilinguisme, donc l'usage du français pour les vols à vue dans les petits aéroports, Québec, Sept-Îles, Baie-Comeau, Saint-Jean, Saint-Honoré, Val-d'Or. Ouais. Les vols à vue, vous savez, ça s'effectue quand la météo est bonne. C'est des vols non commerciaux, souvent des vols d'amateurs. Il y a de plus en plus de Québécois à cette époque qui commencent à avoir leur propre avion ou qui s'initient au pilotage. Ça se passe plutôt bien. La forte résistance va prendre forme au sujet des vols aux instruments, oui, les plus payants. Ça, c'est le nerf de la guerre. Et c'est là où cette directive de Jean Marchand va assez rapidement provoquer des tensions très, très vives. Puis il y aura une espèce de bougie d'allumage qui va vraiment mettre le feu aux poudres. On écoute le témoignage du contrôleur aérien Roger Buisson parler de ce qui se passe à ce moment-là, en décembre 1975, à l'émission « Tout le monde en parlait », diffusée en 2006. Le 8 décembre 1975, la marmite explose. Au centre de contrôle de Montréal, la guerre éclate entre des contrôleurs anglophones et francophones. Je me recule un peu, je me retourne sur ma chaise, puis je dis « Gaston, il y a Québec Air 1, 2, 3, arrive de Val-d'Or, il descend à 12 000 pieds, puis c'est une évacuation médicale, quelque chose comme ça. » Alors lui, il me répond en français, il dit « correct », il dit « je note ». Et ça, ça a fait exploser littéralement l'instructeur. Il y avait des écouteurs sur les oreilles. Il a pris les écouteurs, il a lancé par terre. Il s'est amené au bureau du surveillant en gueulant comme un putois, en disant, en anglais, là, ça marche pas, faut arrêter ça, je suis plus capable. Roger Buisson est coupable. Lui et un de ses collègues sont suspendus. 5 jours. Une vraie provocation. Alors, le fait que de m'être retourné, m'être adressé en français à un collègue francophone, a déclenché toute l'histoire. Ça en disait long sur le climat de tension qui pouvait exister. Ah, ça se passe donc le 8 décembre 1975. C'est vraiment cet épisode qu'on vient d'entendre, que nous raconte Roger Buisson. Et très, très vite, Marc Laurendeau, après cet épisode-là, l'affaire prend des proportions très grandes et se déplace très vite dans l'arène politique. Oui, bien, le Pierre Baudry, au nom de l'exécutif de l'Association des gens de l'air, déclare que les contrôleurs québécois vont continuer à parler français. Entre parenthèses, les deux contrôleurs en question, Roger Buisson, Serge Cormier, suspendu, avait été averti de ne pas parler français. Ils ont été suspendus sans salaire. Alors, l'injure était encore plus grave. Alors, le ministre des Transports, Otto Lang, est très embêté. Il veut résoudre la crise. Il subit de fortes pressions de la part du caucus francophone des libéraux, les Debanay, Joyal, et même le ministre de la Santé à l'époque, Marc Lalonde, qui suit l'affaire avec inquiétude. C'est donc en réponse aux demandes insistantes du caucus québécois, du Parti libéral fédéral, que le ministre Otto Lang, 5 jours après l'incident dont on parle, se rend à l'aéroport montréalais, appelé Dorval à l'époque, ouais, et pour faire une annonce que son collègue, Marc Lalonde, a exigé de lire d'avance. Alors, le contrôle aérien sera désormais bilingue. Oui. Alors, au sein des gens de l'air les plus jeunes, les plus fougueux, Pierre Baudry, Roger Demers et Jean-Luc Patnaud sont prêts à boire le champagne. Oui. Mais les plus expérimentés, comme Louis Doucet, invitent à la prudence. Les gens de l'air ont peut-être gagné une bataille, mais ils n'ont pas gagné la guerre, effectivement. Alors, les deux syndicats de contrôleurs et pilotes, la CATCA et la CALPA, dès le début de 1976, vont se mobiliser, aller chercher des appuis aux États-Unis, passer à l'attaque. Ils brandissent le risque de collision. Ils invoquent la confusion des langues, figurez-vous, qui augmenterait le risque. Hein, vous question de sécurité, là. C'est un peu ça, la rhétorique. Ben, je vois sur la peur. Et ils proclament que l'anglais est la langue de l'aviation. Mais on va découvrir plus tard, en faisant les études, que la Belgique, la France, l'Italie, ouais, utilisent à la fois l'anglais et la langue du sol, puis que dans l'ensemble des pays, 83 utilisent plus d'une langue. Seulement 45, à peu près la moitié, s'en tiennent à l'anglais. Ce qui était en cause, en réalité, c'était pour les pilotes et contrôleurs anglophones la préservation de leur chasse gardée d'emplois payants. Les Canadiens français étaient sous-représentés dans l'aviation civile au pays. Par exemple, il y avait en 1976 aucun pilote francophone sur les gros avions. Et on se trouvait aussi en présence de relents du linguisme obstiné, bien présent dans la tradition militaire canadienne. Beaucoup de pilotes et contrôleurs venaient de cette tradition. Ouais. Venaient de l'armée. C'est des jobs, des emplois qui sont très payants, hein, Marc Laurendeau. Ouais. Et figurez-vous qu'ils vont réussir à faire reculer le ministre Lang, qui va interdire le français dans les airs, jusqu'à ce qu'un commissaire enquêteur détermine que ça ne sera pas dangereux. Oui, mais ça va prendre un petit bout de temps, puis on y reviendra. Le temps passe, printemps 1976, on est probablement au plus fort de la crise à ce moment-là. Oui, parce que la tension monte, d'autant plus qu'on a l'impression que le ministre Otto Lang vient de commettre une énorme gaffe. Il nomme comme commissaire enquêteur John Keenan, qui est l'avocat qui a conseillé l'association des pilotes, la CALPA. On assiste alors à une levée de bouclier devant un tel choix qui implique une partialité évidente. De partout, on réclame la démission de Keenan. L'avocat des gens de l'air, lui, Clément Richard, rencontre à Ottawa le ministre et lui montre une note où John Keenan avait suggéré aux pilotes de simuler un incident au-dessus de la ville de Québec. L'avocat des gens de l'air... Donc, montrer qu'il y avait un problème de sécurité si on parlait français. Oui, mais... Si, et de manière... avec une mauvaise foi... Oui, mais en truquant, là. Ouais. Clément Richard, l'avocat des gens de l'air, invoque la nature criminelle d'une telle suggestion, commettre un méfait public, et réclame au ministre Ottolenghi le congédiement de John Keenan. Le ministre refuse. Alors, mais l'avion de retour de Clément Richard n'était pas aussitôt posé que... John Keenan avait démissionné, devant les pressions, d'ailleurs, qui venaient de partout, de la part de l'opinion publique. Bien, parlons-en de l'opinion publique, parce que vous le disiez au tout début de l'émission, si cette affaire a autant marqué les esprits, c'est qu'elle a une réelle pénétration dans l'opinion publique. Tout le monde parle de cette affaire-là. Où loge l'opinion publique à ce moment-là, Marc Laurent? Au Canada anglais, l'opinion publique et la presse, sauf de rares exceptions, appuient les contrôleurs et pilotes anglophones. Ça va se modifier après quelques années. Au Québec, la bataille des gens de l'air émeut la population. Leur cause, ça se comprend facilement. Ils ont un bon slogan. Il y a du français dans l'air. Ouais. Et ça se retrouve, ce slogan, sur des macarons portés par la classe politique. Autant Claude Charron du Parti québécois que les libéraux provinciaux de Bourassa. La jeune garde des libéraux fédéraux aussi. En mai 76, le juge Jules Deschênes, l'un des juristes les plus brillants de sa génération, est saisi par Serge Joyal d'une cause qui nous apprend qu'Air Canada interdit à son personnel navigant, pilote, agent de bord, hôtesse, de parler entre eux en français. Alors, vous imaginez, ces manuels de traduction n'existent qu'en anglais. Alors, dès lors, Dominique Michel et Pierre Nadeau se dissocient ouvertement des campagnes 14 Soleil et Air Can Europe qu'ils avaient soutenues activement. Campagne publicitaire. Oui, voilà. Ils participaient. Ultimement, en septembre, le juge Jules Deschênes conclura qu'Air Canada n'a pas le choix de respecter la loi des langues officielles, que la compagnie s'attribue une discrétion que la loi ne lui reconnaît pas, et ça obligera Air Canada notamment à faire traduire ses manuels d'instruction. Ce jugement sera confirmé en appel. Ouais. Été 1976, on est, faut s'en souvenir, à quelques semaines de l'ouverture des Jeux olympiques de Montréal. Les contrôleurs aériens, les pilotes, décident de déclencher une grève. Ça va être de courte durée, cela dit. Une grève sauvage, 9 jours. Le gouvernement a plié. En apparence, le ministre des Transports a semblé faire de grosses concessions aux associations de contrôleurs et de pilotes, la CATCA et la CALPA. Le français ne sera pas permis dans les airs. Tant qu'une commission royale d'enquête présidée par les juges Hild, Sinclair, Chouinard n'aura pas conclu que l'usage du français est sécuritaire. Et le rapport de la commission devra recevoir l'approbation du Parlement puis devra être unanime. Ouais. Les gens de l'air voient ça comme une capitulation devant les associations de pilotes et contrôleurs. Les gens de l'air refusent d'abord de participer aux travaux. Ils y contribuent ensuite avec méfiance. Constatent que les commissaires font un travail sérieux, qu'ils prêtent oreille à leur point de vue et qu'ils vont chercher des rapports d'expertise à l'étranger. La victoire des gens de l'air viendra 3 ans plus tard, en 1979, quand les 3 juges remettront au gouvernement conservateur de Joe Clark leur rapport endossant de manière unanime le bilinguisme dans l'aviation civile. Alors voilà. Un petit mot sur l'impact politique que ça va avoir, cette crise, cette bataille des gens de l'air, parce que le pic de cette bataille-là survient en 76, on l'a vu. 1976, c'est l'année où le Parti québécois de René Lévesque est porté au pouvoir. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre les deux événements? Je vous propose, avant d'en parler, Marc Laurendeau, d'écouter à nouveau un extrait de l'émission « Tout le monde en parlait », diffusée en 2006. À l'automne 76, le Québec est en pleine campagne électorale. Les libéraux sont contestés. Le mandat de Robert Bourassa a soulevé la grogne des francophones et des anglophones sur les questions linguistiques. René Lévesque, à la faveur populaire. C'était une époque assez fébrile. Et puis, la figure politique du Canada change. L'avènement du Parti québécois au pouvoir montre un nationaliste. Et la crise du bilinguisme d'un gens de l'air, du bilinguisme au Canada, a été un des éléments qui a moussé ce nationalisme-là. Le soir du 15 novembre, c'est la victoire du Parti québécois. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être Québécois que ce soir. D'ailleurs, certains analystes se disent que ça a amené à une quinzaine de sièges du Parti québécois qui a amené l'élection du Parti québécois au pouvoir en novembre 76. C'est l'ancien contrôleur aérien Jean-Luc Patnaud que l'on entend à nouveau dans cet extrait de l'émission « Tout le monde en parlait ». Marc Laurendeau, quel impact ça va avoir finalement, cette crise des gens de l'air dans l'élection du Parti québécois? Robert Bourassa est un habile manœuvrier. Il sent que ce thème-là de la langue est populaire. Il veut récupérer ça. Alors, il veut lier la bataille des gens de l'air à son thème de campagne électorale, le rejet du rapatriement de la Constitution imposé par Pierre Trudeau. Alors, le gouvernement Bourassa donne 25 000 $ aux gens de l'air. Mais tout à coup, le ministre Fernand Lalonde, homme de confiance de Robert Bourassa, offre d'augmenter de 100 000 ce montant, cette subvention, à condition que les gens de l'air laissent tomber leur avocat péquiste, Clément Richard. Ouais. Ils veulent proposer Ross Goodwin. René Lévesque se montrera prudent. Donc, la division politique, on la voit. Ah, on la voit. Ouais. Puis les deux veulent se coller à ça. Hein. Ouais. René Lévesque, quand même, va se montrer prudent, circonspect vis-à-vis des gens de l'air, ne sachant pas comment ça allait tourner. Il va les appuyer clairement dans le dernier droit avant son élection. Le Parti québécois, il faut s'en rappeler, était en proie à des querelles, Charon, Lévesque, à ce moment-là. Il y avait aussi le journal qui avait fermé un succès économique. Et puis, il y avait des querelles. Et le combat des gens de l'air est venu ranimer la ferveur nationaliste. Et il est difficile de conclure, comme le fait M. Patnaud, que ça a remporté 15 sièges de plus au Parti québécois. Mais on n'a pas les instruments, en fait, pour mesurer ça. Mais c'est certain que les gens de l'air ont travaillé dans le comté de Clément Richard et ont fait élire le futur président de l'Assemblée nationale et ministre de la Culture qui a été. Mais chose certaine, les commentateurs de l'époque notent que la bataille des gens de l'air a donné au Parti québécois en proie à la morosité, un supplément d'âme qui manquait à sa pré-campagne électorale. Et je peux en témoigner, j'ai vu ça. Ouais. Au final, Marc Laurendeau, très concrètement, qu'est-ce que ça a changé, cette bataille des gens de l'air dans le ciel québécois? La bataille des gens de l'air a permis aux francophones de prendre leur place dans l'aviation civile canadienne. Leur association, vous savez, a compté bon an mal an 1500 membres. Elle a même créé un bureau d'emploi pour les francophones, postulant dans diverses fonctions, tout ça en lien avec 75 employeurs. Alors, les gens de l'air ont contribué à ce que 150 emplois, à 150 000 $, c'est pas rien, soient dévolus à des francophones. Puis à long terme, quand on voit ça avec le recul, c'est des milliards de retombées pour les francophones. On a toujours intérêt à se faire respecter. Et la bataille des gens de l'air, au fond, a donné un avant-goût de ce qui allait accompagner la loi 101, un an après, sur le français au Québec. Aujourd'hui, Marc, on en est où par rapport à la langue utilisée? Il paraît, suivant les contrôleurs, que c'est à français à 40 % à l'aéroport international Trudeau de Montréal pour le vol aux instruments, français à 90 % dans l'ensemble du Québec, français à 70 % à l'aéroport de Québec. Sujet à évolution. L'Association des gens de l'air, qui était si productive, s'est dissoute en 2013, après 38 ans d'existence. Ben, peut-être que la jeune génération est moins sensible maintenant. Ouais. On le voit sur d'autres tableaux, à des enjeux comme ceux-là. Mais il faut se rappeler que sur les questions de langue, la vigilance est absolument nécessaire. Marc Laurendeau, journaliste, ami de l'émission. Merci beaucoup, Marc. Ça a été un plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.